Décidément, Sinistros doit véritablement se refaire la main. Je lui confie une simple tâche l'une dernière, une insignifiance, soit de remplacer le système digestif en entier sur un de nos cobayes. Le pauvre n'a pu ingérer quoi que ce soit parce que, encore une fois, Sinistros avait pris l'initiative suivante, lui administrer un lavement d'estomac avec du Monsieur Net. Toujours est-il que je lui confie cette petite intervention des plus simplistes et résultat, il inverse le système digestif du pauvre malheureux qui maintenant voit son processus d'ingestion et d'élimination complètement inversé. Je plains le pauvre type, mais je nous plains encore plus. À toi de tout ramasser, gobelin de mes deux. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque cet assistant comprend difficilement les choses de base. Ah, et puis merde. Merde, c'est tout à propos. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere is my fucking business. And is fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's go. We'll be right back. je ne vous souhaite pas les bienvenus en cette nouvelle édition de Réanimation. Première édition printanière, Sinistros. Bien qu'un. C'est aujourd'hui le printemps. Un bon printemps. Théoriquement. Doux printemps, encore vivre. Je vais donc, laisse faire, il faut chanter heureux d'un printemps aussi. Là. Non. Ça, ah ben oui, ben. Ça serait le comble. Quoique, j'aime beaucoup rire de cette chanson. Oui. Mais, printemps, comme je l'ai dit, c'est une théorie. Hein? Ouais. Donc, de ce 20 mars de l'heure de la disgrâce 2018, voilà. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Mon comparse Sinistro, c'est nous allons vous accompagner métalliquement jusqu'à 21h avec ce qu'on espère être une émission relativement moyenne. Poppy. Relativement moyenne. C'est en simili-cuirette, là. Comme premier bloc d'ouverture, on a entendu à l'instant la formation de Berlin, ça c'est en Allemagne, Les Ignares, Maat et la pièce Dissolved into Dust qui est tirée de leur dernière parution Monuments Will Enslave, leur deuxième album paru le 3 mars. Ben en fait, il paraît avant ça, mais on l'a pu l'avoir ici le 3 mars. Ça a été difficile. Oui, définitivement. Je viens de réaliser, Berlin c'est en Allemagne. Hein? Oui. Bon, dernière nouvelle. Là. Je fais une Sarah Palin de moi-même. Là, c'est ça. Quel excellent film, n'est-ce pas? Oh, ben, je l'ai pas vu encore, mais non, non, non, j'en ai entendu que du bien de ta part. Ça a l'air très rigolo. Là. Donc, Monuments Will Enslave est paru sur Oral Attack. Je disais le 3 mars, mais c'était le 3 mars 2017. Hein? Oh, oui, c'est pas cette année. Non, non, non. Mais ça, c'est sorti le 3 mars, mais je pense qu'on a eu ça ici. À la fin de l'année? Oui, quasiment à la fin de l'année. Ah, oui, définitivement. C'était puis, pas disponible. Puis il nous a sauté dans la face comme, hein? Ben oui. Ils ont un nouvel album, eux autres. Ben, en fait, moi, j'avais que remarqué qu'il y avait un album qui s'en venait pour Matt, mais il n'y avait pas de date définie. Fait que je me disais, bon, ben, je vais surveiller, éventuellement, il va arriver. Mais comme ça n'arrivait pas, ça m'est carrément sorti de la tête, un peu comme tu dis. Puis à un moment donné, j'ai dit, hein, il est disponible. Je me rappelais même pas qu'il y avait un nouvel album. Non, c'est sûr. Ouais. Juste avant de Rome, Hour of Penance et la pièce Shroud of Ashes qui est tirée de la dernière album également, Cast the First Stone. Et qui continue sur la lancée vraiment majestueuse. Que ah, moi j'adore. C'est vraiment un excellent band. Ah, je trouve ça, écoute. Si on pourrait dire que dans le death metal, malgré le fait que ce soit très brutal, qu'il y a quelque chose qui soit, comme tu dis, majestueux, c'est probablement ça. Oh non, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Cast the First Stone, leur septième album, paru le 27 janvier 2017. Donc, 27 janvier. On s'entend il y a une année. Sur Prosthetic, d'ailleurs, je me suis procuré le vinyle de ça et puis. C'était ruiné finalement. Non, il était très abordable. Ben, en fait, tu sais que si tu te procurais un vinyle qui vient de sortir, tu l'achètes quand il sort, parce que deux semaines après, trois semaines après. Il a doublé de prix. Oh, ouais, ça a juste pas de bon sens. Mais non, un prix intéressant, puis un vinyle vert mardoché bizarre, là, okay. Avec des splashes de sang dedans. Là. Ben, ça m'a fait peur un peu, donc je l'écoute pas. Et l'ouverture de bloc de Malte, Beheaded, et la pièce Dead Silence, qui me rappelle aussi un film d'horreur des début des années 2000, qui était pas très bon finalement, et tirée de l'album Never to Down, leur quatrième paru le 6 novembre 2012 sur Unique Leader. Ce soir, Sinistros vous proposera le nouvel album de Judas Priest, ainsi que celui de Ministry, et tant qu'à moi, je vous propose rien du tout. Mais tu fais bien, tu proposes rien du tout. Ben quand t'as rien proposé. Ouais, mais tu sais, d'habitude, quand tu proposes de quoi, t'es. Non, c'est pas tout le temps bon. C'est ça. OK. Sinistros, c'est la semaine prochaine, voilà. Non, mais j'ai le contrôle, ça. Je vais retourner voir les stalactites et les stalagmites de glace au Groenland. Tu devrais rapidement y aller. Non, mais c'est un beau pays, surtout en chaloupe, là, c'est pas pire. Mais t'étais en canot, je te ferais remarquer, c'est un peu plus chaleureux. C'est vrai, c'est encore plus bizarre. Ouais. Mais j'avais mis ma veste de sauvetage. Ben, il le faut, hein. La prudence avant tout, évidemment. T'es un bon gobelin. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec le premier choix de notre ami. Ben, ami, pourquoi je dis ça, moi? Ami. Non, j'ai eu la langue m'a fourché. I. Avec chose sinistrose. Chose. Il y a des gens qui me demandent à l'occasion, est-ce que Sinistros et toi, vous avez vraiment une entente qui est aussi caustique que ça? Effectivement, oui. Oui. Puis on l'a vu dans le parking tantôt. Effectivement, quelle bonne petite blague que nous avons eue là. Tes choix seront de quel acabit? Ben, d'un acabit métal, bien évidemment. Ben, j'imaginais un petit peu. On a quelques succès souvenirs. Ah oui, qui passaient à la vieillesse d'aujourd'hui. Oui, mais que dans le temps qu'on était très jeunes. C'est cela. Non, j'ai décidé de reculer un petit peu dans le temps là. Ah, tu n'as pas écrit les années, ça, c'est bien le fun. Ben oui, j'ai écrit les années. Non, tu as écrit juste les sorties de... Du coup, bref. Ben ouais. non, regarde là, comme il faut. Ah là. Ben oui, c'est écrit à côté. Je te dis. Il fait un sinistrose de lui-même. Oui, mais t'as pas de misère, hein, avec ça. On recule en 2012 et 2013. Ah, c'est très vieux, c'est ça. C'est très, très vieux. Oui. À l'époque où ce qu'on avait encore, pas de cheveux, là. Ben toi. C'est cela. Moi, j'ai toujours eu une tignasse de rêve. Une belle tignasse d'Amazon, mon ami. Wow! Annie, c'est le cas d'ailleurs, en tout cas. On va commencer avec un groupe suédois qu'on avait découvert avec l'album Aeons Black. Ouais, c'est la formation Aeon. On ne sait pas ce qui se passe depuis ce temps-là. Rien. C'est comme silence complètement total. Il ne se passe rien du tout, mon ami. En fait, Aeons Black de 2012 est le dernier album et le statut est toujours actif. Actif. Bon, ils ne sont peut-être pas pressés ou bien Metal Blade a des standards un peu plus élevés. Là. Ou peut-être moins violent, je sais pas. Peut-être moins violent. Hein? Alors, on va entendre la pièce de Growing Eight. Ça sera suivi d'une autre formation suédoise, non, des Pays-Bas, Body Farm, avec la pièce Vortex of Terror, qui est apparue sur The Coming Scourge en 2013. Et Centurion, que j'avais complètement oublié l'existence, et je me suis aperçu que, ah oui, c'est vrai, j'avais ça, cette série-là. Ben, moi aussi, je me rappelais pas de ça. Fait que Centurion, qui vient de la Pologne, avec la pièce Gateways to Condemnation, qui est paru sur l'album Serve No One. Si je me trompe pas, eux autres aussi, c'est leur dernier album. On va vérifier. On va vérifier. Alors, allons-y avec un beau bloc joyeusement black noirci à la sauce dette rock'n'roll. Guttural. Guttural. Fais donc. Let's go. Brainwashing and dirty. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. Sinistre Gobelin. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a eu plaisir d'écouter? Ben, plaisir, je peux pas dire si ça a été un plaisir, mais ben, on a écouté quand même. Absolument, ça a fait un plaisir pour moi. Formation polonaise, Centurion. Oui, c'est n'importe quoi. C'est tout le temps n'importe quoi. Centurion avec Gateways to Condemnation, qui est apparu en 2012 sur Serve No One. Ben, finalement, ils ont sorti un mini-album en 2017 qui a complètement passé en dessous du radar. Le mini-album s'appelait Extinction, puis il comportait exactement... Quatre pièces. Donc, 5 pièces. 4 pièces, dont une qui était le bonus, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça? Je me trompe d'album, moi. Là. On s'en fout, c'est pas grave. Hey, juste avant, on avait quelque chose, mais j'ai une question pour toi par rapport à ça, mais vas-y. À propos de? Body Farm. Ah, ben Body Farm, mais oui, on a entendu la pièce Vortex of Terror, qui est apparue sur l'album de Coming Scourge en 2013. Est-ce que tu avais écouté leur plus récent, de quand même 2015, Battle Breed? Oui, effectivement, il était pas mal moins bon. Ben, moi, je l'ai trouvé quand même bien, Bon que les autres. Bon. Coming Scourge, pas mal le meilleur. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. C'est ça ta question? Oui, je voulais juste savoir si t'as lui aussi. Oui, il était très facile, ta question. J'essaie d'y rendre le plus simple possible pour que tu puisses les comprendre. Je comprends. Évidemment. Formation. On appelle ça le nivelé par le bas. Oui, effectivement. Puis vu que c'est pas très haut, mais tu nivelles pas bien. Ben, c'est au ras du sol. C'est pas pire. Formation suédoise Aeon avec The Growing Eight qui est apparu en 2012 sur Aeon's Black. Excellent album. Oui. Malheureusement. Silence total de la part de la formation. Ils vont peut-être reprendre par surprise un de ces jours, mais c'est. Même sur. Je suis allé visiter la page Facebook du groupe, c'est niette, il ne se passe rien dessus. Ben, tu sais, c'est des petites formations dans cette mer de métal. Oui, effectivement. Et puis, je pense que c'est impossible de faire ça à plein temps, là. Non? Moi qui pensais que c'était. Pour être réaliste. C'était full payant faire ça. Ben, c'est full payant comme faire de la radio aussi. Oui, oui. Payant de l'autre bord. C'est ça. C'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est une paye. Laisse-moi trouver le terme exact. C'est une paye de l'âme. Oui, mais on va poser la question. Ouais, mais si ça paye pas, tout, là, pourquoi tu fais ça de la radio? Parce que je suis maso. Oh, toi, oui. Et je dois l'être aussi de tendure, et j'imagine. Tu sais que l'album Aeon's Black avait été une de mes retenues en 2012. Oui, effectivement. Il avait fait beaucoup de top à cette époque. Très bon album. Oui. On avait découvert ça en même temps. On l'avait déballé tous les deux. Oui, oui. En fait, on avait déballé le même album ensemble. Mon cher Sinistros, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner la semaine dernière. Souligne avec un gros highlighter jaune. Tu peux le faire, mais ça ne changera rien. Tu peux mettre des petites étoiles, des petits cœurs aussi, si tu veux. Mardi dernier, c'était le 6. Oui. Le lendemain, logiquement, c'était le 7. Logiquement. Oui, et donc, Réanimation avait 18 ans mercredi. Oh, bonne affaire, Réanimation. Oui. Je ne sais pas ce que grand-mère en pense. Mais c'est pourri, Évidemment, grand-mère, à quoi s'attendre de mieux que toi? Mais c'est pas grave, on vous aime pareil. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, grand-mère. Je ne suis pas sûr que je m'en ennuyais, mais bon. Mais oui, 18 ans pour Réanimation, donc... Ça m'a fait plaisir. Dans le prochain bloc, Bloc de deux pièces uniquement, mais dont une relativement longue, oui. N'est-ce pas? On va entendre la formation. Ben, la formation, c'est pas une formation, c'est un projet. Nader Sadek, qui, selon moi... C'est en bas qui nom d'Nader Sadek. Oui, oui, c'est parce que j'ai oublié de te dire que je l'avais corrigé, la pièce. Ah. C'est pas mon année d'études, en fin de compte? Oui, mais avant, il y a Nader Sadek. Ah oui? Ben non, ben en fait, on va voir Nader Sadek, mais ce que je... Laisse-moi en parler, beau petit fatigant. Je disais que c'est pas une formation, c'est un projet. Oui, c'est ça. Nader Sadek, le nom de l'instigateur, rassemble des musiciens. Malheureusement, le deuxième album n'était pas avec Steve Tucker, je l'avais trouvé un peu moins bon. Ben je pense que c'était un mini-album, ça se peut-tu? Ouais. Et j'avais pas trippé ça, ben ça avait perdu un peu de la verve et de la surprise. Exactement. C'est le trip pétrole puis tout l'équipe qu'il y avait au début, là, me semble. Là, il y a même des Nader Sadek qui font des tournées à deux places en même temps. C'est le Cirque du Soleil. Quoi qu'il en soit, on va entendre une pièce du premier album. Qui était très bon. Oui, mais on va y aller tout de suite avec The Monolith Death Cult, avec une pièce qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre du death metal industriel, qui est tiré de leur chef-d'œuvre, selon moi aussi, oui. Tetragrammaton, leur cinquième album paru en 2013. La pièce étant Gods Amongst the Insects. Vous êtes à Réanimation. Let's go. imaginez? Le cerveau d'un homme mort qui attend de revivre dans un corps que j'ai fait de mes propres mains. Vous écoutez Réanimation. Encore très mal poli, Sinistros. Comment ça? Ah, pauvre Horace, on l'oublie tout le temps. Ben, bonjour, Horace. Ben, vas-y. Non, pas toi, innocent. Dis bonjour aussi. Non. Bon, ben là, je sens que ça va aller mal, parce que, tu sais, quand il est en pétard, on va tout casser, lui-là. Là. Bon, ben, moi. Bonjour, Horace. Il est en pétard, oui, tu le vois? Vraiment en pétard. Bon. C'est incroyable. Dis donc, mais polisson, toi. Oui. C'est une insulte, hein? Ouais, mais il riait de moi la semaine passée quand j'étais pris au Groenland. Hein, fait que je l'ai encore sur le cœur. Ça, je comprends. Moi, on était deux à rire. Ah, c'est sûr. Au Groenland. Boy, on vient d'entendre la forme. Non, le projet de New York, Nader Sadek, et l'excellente In the Flesh, Novus Deus, qui est tirée de l'album In the Flesh, le premier album du projet, qui est paru le 16 mai 2011 sur M Theory. Ah, moi, je trouve ça tellement original, là. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Avec, bien sûr, au vocal, Steve Tucker. Et juste avant, nous avions The Monolith Death Cult des Pays-Bas et la pièce Gods Amongst the Insects que l'on retrouve sur... en fait, c'est la pièce d'ouverture de Tetragrammaton qui est parue le 10 mai 2013 sur Season of Mist, leur 5e album et selon moi encore le meilleur. Oui, effectivement. Quoi qu'ils sont revenus quand même à leurs racines avec l'album de 2017. Là. Versus est excellent. Oui. Mais je pense que Tetragrammaton, c'est le plus accompli. Il y a vraiment... beaucoup d'influence ministry. Là. Le côté industriel est vraiment... C'est très grandiose aussi. Ouais, c'est vraiment bien. Et tu sais que j'ai vu quelques spectacles de eux sur Internet, sur YouTube. Oh, c'est pété. Mais ça affiche tellement pas par rapport à ce que quand t'écoutes leur musique, là, ça fait un peu... Mais je trouve qu'à la rigueur, c'est vraiment un peu décevant de les voir par rapport à ce qu'ils font en studio. Un peu straight. Ouais, c'est ça. On va aller en pause publicitaire, puis ça va nous revenir tout de suite après avec la première présentation de la semaine qui est au mode. On nous en reparlera. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Si c'est 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Long & McQuaid, Lapis Rock et Sifu 89.1 présentent le Trois-Rivières Metal Fest 15e édition. 14 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Despise Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Open the Grave et Cattle Decapitation. Bien prévente à la Plus Rock, chez Béton Punk et en ligne, amphithéâtre.cogeco.com au coût de $46 pour un soir, $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Et si c'est 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RNF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. Vous êtes à 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez cool. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. 19h59, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de cette pestilentielle créature qui s'appelle Sinistros. Cette chose. Et moi-même, Dr. Pendragon, et ce jusqu'à 21h. Maintenant, c'est la première présentation de la soirée qui est une commandite Sinistros. Oui, grosse commandite. Oui. Eh bien, nouvel album de Judas Priest, Fire Power. Ben, tu vois que je suis convaincu. Hein? Ça paraît. Oui, je suis très enthousiaste. Ça paraît beaucoup. Mais cet album-là, c'est la folie, là, présentement. Semble-t-il. J'ai lu aujourd'hui que c'est l'album de Judas Priest qui avait le plus scoré haut dans les charts américaines en carrière. En carrière. Et c'est quand même pas n'importe quoi, là. C'est pas n'importe quoi. Il y a un vent de folie, Judas Priest, présentement. Oui. je vais vous avouer bien franchement que cet album-là est correct. À mon point de vue, à moi. OK. Contient de très bonnes pièces. D'accord. Il y a une très bonne production. Oui, ça c'est vrai. Très, très bien exécuté. Aussi. Il y a 4 ou 5 pièces qu'on aurait pu aisément enlever de là. Il y en a quand même 14. Il y en a quand même 14. Mais on est encore très loin de Defenders of the Faith ou de British Steel ou de Screaming for Vengeance. Puis on est même encore loin de Painkiller. Painkiller qui avait été une folie monstrueuse. Mm-hmm. Puis qui était finalement... C'était pas si monstrueux que ça. Là. Ben, je suis un peu de ton avis. C'est un album fort correct, mais... C'est correct, c'est correct. C'est Firepower, c'est le... Hein? C'est possiblement le meilleur album depuis Painkiller. Son ben, j'écoute... Tu sais, si on regarde Redeemer of Soul qui était avant, qui était vraiment ordinaire. Nostradamus qui était plus qu'ordinaire. Ah, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Angel là. Of Retribution qui était très ordinaire aussi. Aussi. Demolition était très ordinaire. D'accord. Jugulator était ordinaire. Painkiller, oui. Painkiller, c'était le meilleur depuis Defenders of the Faith, mais c'était pas très, très difficile à faire. Mais Jugulator, c'était avec Ripper Howen, de toute manière. Ouais, c'est ça. C'est très, très ordinaire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Firepower, très bon album de heavy metal pur et dur. Très bon album pour les fans de Judas Priest pur et dur. Mais dans l'ensemble du heavy metal, c'est pas un album qui va marquer l'histoire, si vous aimez. Ben. Je ne sais pas, Sinistros, dans le sens que, ben, remarque qu'on pourrait peut-être plus en discuter après avoir écouté tes deux présentations, mais il y a des chances que ça marque, oui. C'est pas de mauvaise foi, là, de ma part. Non, non, non, je comprends. Je sais que tu dis ça de façon tout à fait innocente, comme le reste de ton être. Oui, c'est ça. Puis je veux surtout pas, faire capoter les fans. Tu as le droit à ton opinion. Pas une guerre avec ça, non, non, tu as le droit à ton opinion. Là, c'est ton choix de présentation. Tu peux en penser ce que tu veux. J'ai quand même mis un 8.4 sur 10. Ben, ce qui n'est pas une mauvaise. Très bon, ah oui, c'est une très bonne note. Moi, écoute, je ne l'ai pas chroniqué, moi. Parce que. Honnêtement, Judas Priest, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Ben, c'est pas un bout. Bon, t'as nommé des titres d'albums qui me plaisent encore. British Steel a des pièces que je trouve encore très bonnes. Ouais. Screaming for Vengeance, Defender of the Fate. Même Turbo. tu fous, toi? Non, mais tu sais, Point of Entry, qui est un album fort contesté, je trouve bien. Mais les plus vieux aussi. Oui, c'est ça. Sad Wings of Destiny. À l'époque, bon. C'était plus hard rock. Oui, exactement. Pour moi, le vieux Judas Priest est encore relativement significatif. Oui. Mais honnêtement, je suis passé à autre chose. Oui, effectivement. Puis cette espèce d'escalade-là de musique, puis je l'avoue candidement, espèce d'escalade de musique tout le temps plus intense et violente, je suis embarqué là-dedans. Donc, c'est sûr que pour moi, entre écouter Demolition puis écouter Judas Priest, ben aujourd'hui, je choisis Demolition. C'est sûr. J'ai pas de difficulté, tu sais. Mais quoi qu'il en soit... Firepower contient de très bons titres, de très bonnes pièces, puis je vais vous en passer deux ce soir. Je ne mets pas nécessairement les meilleurs. Mais je vais vous mettre celles qui sont... Tu vas mettre les pires. Non plus. Non, parce que là, je m'en serais passé. Mais je mets deux pièces significatives de Judas Priest. Okay. C'est du bon Judas Priest, comme on a toujours connu. C'est bien fait. Ça rentre au poste. Fait que c'est les deux singles, Firepower puis Lightning Strikes. Allons-y, puis on en reparlera. Let's go. Star. vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. h 12. Sinistro, es-tu là? Oui, je suis là. Non, malheureusement. Ah là là. Après cette torture sonore, le mieux que tu puisses faire, c'est de les présenter. Ben oui, c'était Judas Priest avec deux pièces tirées du dernier album Firepower. Selon moi, deux très bonnes pièces. C'est quand même pas une torture, là. On s'est pas tordu un bras, là. Ben... peut-être pour toi. C'était les pièces Lightning Strike et Firepower, c'est sorti le 9 mars dernier sur une étiquette quelconque. Epic! Oui, Epic Records. Leur 18e album studio en carrière. Moi, je suis d'accord avec toi sur certains points concernant cet album-là. C'est, oui, c'est bien fait. La production est super, vraiment bonne. Par contre, moi, comme je l'ai dit un petit peu d'emblée avant ta présentation, je suis un peu débarqué de cette trip-là. Dans le sens que ça me prend un peu plus maintenant au niveau du métal. Je parle du métal, OK? On s'entend, là. Ça me prend un peu plus que ça pour être capable de venir me chercher avec... je le dis, je l'avoue, je l'ai dit à quelques reprises, je suis passablement intoxiqué au death metal. Ce qui veut dire que quand je tombe dans quelque chose qui est plus... soft, je prends une petite débarque, tu comprends? Ben, tu sais que maintenant, depuis le début de l'année, lorsque je chronique des albums, j'y vais avec cinq critères, dont un qui est l'originalité, ouais. L'autre l'ambiance. Généralement, le pointage des albums chroniqués se joue là. OK. Tu sais, c'est sûr et certain que la production, si tu manques ton coup, si ça sonne la marde, tu vas perdre des points, mais généralement... C'est tout le temps, tu sais, quand tu descends en bas de 8.5 de ta production, pose-toi des questions sur ton producteur. Ici, Judas Priest, c'est un 9, là. Tu sais, ouais, c'est une facile. Production vraiment haut de gamme. C'est Anne Dessiné, puis tu sais, il n'y a pas de trouble avec ça. Point de vue composition, c'est un 9 aussi, il n'y a pas de problème avec ça. L'exécution, tu as un autre 9. Là où ça débarque, pour cet album-là, selon moi, c'est l'ambiance. Mm-hmm. T'as zéro ambiance là-dedans, là. Ouais. Moi, quand je parle d'ambiance, là, je parle des orchestrations majestueuses, t'as des effets sonores, des affaires tripantes. Là, ça a perdu des points, là. Puis, point de vue originalité. Ouais. Là, à un moment donné, il y en a pas bien, il y en a pas, là. Non, il y a zéro originalité. C'est du Judas Priest. Oui. C'est du Judas Priest. Mais tu sais, écoute, quelqu'un qui veut écouter du Judas Priest va être servi, là. Fait 100% d'accord avec ça. Il tombera pas en bas de sa chaise. Pas du tout. Non. Puis je pense que c'est le but un peu du band de Oui. Ça, je le comprends, je le respecte. Mais je veux dire, il reste que quelque part, les goûts sont subjectifs. Moi, j'ai trouvé qu'il y a au moins 5-6 pièces qui sont très, très bonnes, là. Tu sais, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas un album grandiose. Écoute. Pour moi, c'est pas un album grandiose. Ben, je peux pas t'obstiner là-dessus parce que moi, l'album, je l'ai écouté peut-être 3 fois pour m'en faire une idée quand même relativement correcte, là. Je pense plus l'écouter, l'album. Ben, moi non plus. Tu sais, oui, regarde, on a écouté Firepower, Lightning Strikes. C'est des pièces qui vont nous rester dans la tête, qui vont rester quand même dans les annales de Judas Priest, t'sais. Ça, c'est sûr que certains. Là. Ben, probablement pas... pour les fans. Pour moi, non. Non, non, c'est ça. C'est en plein ça. Mais tu sais, historiquement parlant... Je suppose que oui. C'est je suppose que oui. Oh, oui. Ben, écoute, c'est correct de l'avoir présenté. Puis je veux dire, je pense que ton analyse est quand même correcte. Si j'aurais détesté ça, je l'aurais pas présenté tout court. J'en suis persuadé. Puis ce qui est fort correct, d'ailleurs. Donc, ceci étant dit, tu as une deuxième présentation pour le nouveau ministry. Ministry, oui. Mais ben, faut que tu nous brosses un peu le tableau de Ministry parce que ça a de l'historique, ça. Ça a beaucoup d'historique, puis Ministry va probablement se retrouver à quelque part dans... à plusieurs places dans l'histoire métallique qui va être présentée au fil des oui, éditions. Oui, segment dont tu nous parleras tout à l'heure. Oui, effectivement. Ministry, bon, Al Jorgensen nous a annoncé maintes et maintes fois depuis les 10 dernières années que moi je m'en vais, je reviens, ouais, moi je m'en vais, moi je reviens. Ouais, ouais. Un petit peu bipolaire le monsieur, mais c'est pas grave. Avec l'échec cuisant des trois derniers albums, ouais. Ministry nous revient avec American, ouais. Qui nous revient avec un style beaucoup plus industriel, pas mal moins de métal qu'avant. Qu'avant, façon de parler. Ben, là, que les, en tout cas, oui, que les revenu, 5-6 derniers albums. C'est ça, là. Il est revenu à son époque, là, Mine is a Terrible Thing to Taste, ouais. Par endroit. Un peu de Revolting Cox des premiers temps. Thousand Homo DJs, Palehead, des fois. Ça sonne Killing Joke à quelques endroits on, aussi. On là, sent ça. Beaucoup plus le retour vers un esprit le côté alternatif. Et même, beaucoup, je dirais là. Que maintenant, Ministry sonne plus rock que métal. Oh oui, effectivement, effectivement. Le côté métallique est pas mal disparu, là. Ben, il, en tout cas, il est très délavé. Oh, ben, c'est, en tout cas, il, c'est, moi, c'est le bon Ministry que j'ai connu. Oui, je m'avait d'accord. Fait triper, là, oui. C'est pas un album grandiose, le Ministry. C'est pas Mind is a Terrible Thing to Taste. C'est pas non. Land of Wrath and Honey. Mais c'est un très bon album qu'il nous faut oublier les 3-4 derniers s'il était pas vraiment barjeu, là. Je suis en accord avec toi. Ministry, Al Jorgensen. Ton temps est passé. Ah, ton temps est passé. Ding! Next, passe aux demi. Elle est bonne, c'est pas pire. Al Jorgensen, qui nage encore dans la super controverse, mais que oui. Serait Ministry sans la controverse? Mais il aime ça. Il aime, c'est correct. Il fait chialer. Là, j'ai fait un vidéoclip pour la pièce Antifa. Le monde a capoté parce qu'il pense tout qu'il est pro-antifa. Ouais. C'est pas ça. Non. Il explique que l'idéologie derrière les antifascistes est correcte. Ouais. Ce qu'ils en ont fait, c'est crissement cave. C'est parce qu'il y a toujours... les gens ont tendance à prendre les choses souvent au premier niveau. Hein? C'est cela. Ouais. Moi, il y a une chose, par contre, que je dois dire. Puis je veux pas t'interrompre, là, parce que ton discours était quand même, pour une fois, intéressant. ce que je trouve un peu poussé, par contre, dans le titre, c'est les 3K, en gros. Le côté qui... en rouge. Ouais, American c'est... avec 3 gros K en rouge. Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est loin d'être tous les Américains qui sont du Ku Klux Klan, on s'entend. Non, là. Mais parce qu'on s'entend dessus, qu'est-ce qu'il veut démontrer, c'est que possiblement que son... le KKK a infiltré le gouvernement Trump. Ben, Trump, c'est un redneck. Ben, redneck à faire rouge, tu veux dire. Oui, à faire très, très rouge. Mais tu sais, si on le laisserait aller, là, Trump, ça serait épouvantable. Ben, là. En fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le contrôle dessus. C'est ça. C'est ce que Jorgensen explique sur cet album. Il avait écorché Bush, il avait écorché... Ils ont tous écorchés, là. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on va y aller avec une pièce qui s'appelle Wargasm, que moi, je trouve que c'est la meilleure de l'album. C'est une bonne. Oh, c'est un très bon album. Fait que, allons-y. Wargasm Ministry. Let's go! Just like it is, car is gone. It is our war. We are the fighters. Fight it then. Fight it then. Fight it then. Fight it then. Fight it with all that is in us. This is the people's war. Inject your venom. Inject your venom. Ministry avec la pièce Wargasm qui est parue sur American, nouvel album du groupe paru le 9 mars. Ouais. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ben, en fait, moi, je l'ai chroniqué, effectivement, cet album. Bon, là, il va dire, mais t'es donc ben pas fin. C'est vu connu de tout le monde que je suis pas fin, écoute, voyons. Là, t'es donc ben câble, tu comprends rien. C'est vrai, je le suis un peu aussi. J'aime beaucoup être dans le sous-sol. Non, parce que je dis ça, c'est parce qu'on... On discutait. Je m'étais fait déjà... Varlopé, lorsque j'avais chroniqué le dernier album de Cradle of Filth. Il y a un beau fin finot qui... du haut de son internet, a réussi à placer un paquet d'insultes sur mon blog, puis... aucun argument valable. Là, non, ben c'est ça. C'est comme on disait, quand on prend la peine de chroniquer quelque chose, c'est par rapport à notre bagage musical, nos propres critères, nos attentes, ainsi de suite. Donc, c'est très subjectif. Mais quelqu'un qui veut planter une chronique pour planter une chronique, ben fais-en une chronique toi aussi si tu veux défendre ton point de vue. Puis pour le reste, shut up. En ce qui me concerne, American The Ministry, moi j'ai accordé une note de 6,5 sur 10. T'es donc ben pas fin. Ben, j'ai jamais dit le contraire. C'est sûr que mon Je t'ai légué un petit peu de ma bicherie que j'avais des années passées à... Ben, en fait, j'essaie d'être le moins possible comme toi. c'est sûr que moi, mes critères de... T'as pourri tes critères. Oh, grand-mère, tais-toi. Grand-mère va faire des galettes, s'il vous plaît. Mes critères sont moins, je dirais, pas évolués, mais précis que les tiens pour faire donner le pointage. Ouais, toi, t'as bon ou pas bon? Généralement. Entre les deux. Ben, bon, 9, pas bon, 3, moyen, 5. C'est assez simple, finalement. 6,5, parce que je dis, ben écoute, honnêtement, il n'y a rien d'innovateur là-dedans, on s'entend. Là. Ben, c'est juste, c'est sûr et certain que Ministry, Jorgensen, qui est un pionnier de l'industriel, ouais. Il a fait le tour de sa patente. Là, absolument. T'sais. Par contre, ce qui me réjouit avec l'album, comme je te disais un petit peu, c'est que je suis content qu'il ait abandonné d'aller chercher les speed riffs qu'il y avait dans les derniers albums, qui pour moi étaient comme sonnaient très vite par rapport à ce qu'il avait déjà fait. Je suis content qu'il ait ramené l'aspect de Ministry qui côté était plus... Le côté machine. Ouais, le côté machine, plus des années 80, début 90. Je trouve que l'album est très bien produit aussi. Oui, c'est très bien. Donc, je trouve que ma conclusion est que c'est un album auquel je ferai peut-être pas d'écoute là, très attentive de façon répétitive, mais c'est l'album que je serais prêt à mettre en background en faisant autre chose. Genre écouter un autre album. mais parlons-en de nouveaux trucs que j'ai découvert, entre autres un grâce à toi, qui est une présentation que j'avais faite pour toi la semaine dernière, Abysmal Grief, formation de... C'est pété, hein? Vraiment horror doom metal, une formation d'Italie. J'ai beaucoup aimé. Oh oui, c'est ce côté Candlemass et Acid Wish en même temps. Ah, mais c'est vraiment cool. Écoute, c'est comme je te disais, dimanche, on s'est parlé, Sinistros et moi, puis je lui disais que mon écoute d'Abysmal Grief a été comme d'écouter ce que je visionne dans un bon classique de l'horreur. C'est ça. Dans un bon film d'horreur. Donc, parlant de films d'horreur. Oui. Vous avez peut-être remarqué que ces trois dernières semaines, il y a des nouvelles affiches réanimation qui ont vu le jour. Bien sûr. Ça sera maintenant tous les mardis pour annoncer l'émission de la journée. Oui. Il y aura un poster. Les auditeurs qui veulent avoir le poster, il est disponible. Au coût de 100 $ Au coût de 100 $ effectivement. Non, je l'ai fait réellement en 27 par 41. Ah oui? C'est la vraie version d'un vrai poster de cinéma. Ah oui? Les gens qui trouvent le poster à leur goût, qui en veulent un, ils ont juste à m'écrire, puis je peux leur envoyer. Ben, c'est cool, parce qu'ils sont cool, tes posters, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'ils sont bien dans la thématique. Ben, c'est de la thématique de l'émission. Puis, tu sais, je sais que t'es un amateur de vieux films d'horreur, fait que je suis allé triper là-dedans. Là, ben, c'est bien. Moi, j'aime bien. Oui. Donc, merci beaucoup, Sinistros, pour une fois, d'avoir eu un peu de goût avec Abyss Small Grief. C'est quand même pas pire. L'autre truc que j'ai découvert, mais qui, celui-là, est un peu mon coup de masse, c'est la formation de Boston, Vivi Sepulture. Tu sais ce que ça veut dire, Vivi Sepulture? Oui, c'est faire de la vivisection avec de la sépulture. Ben, en fait, c'est être enterré vivant. Ouh. Donc. C'est plus poche, un peu, ça. Ben, je trouve que ça a un certain charme, surtout quand c'est pas moi qui est dedans, là, mais bon. Surtout quand c'est moi qui prends appel. Ou surtout quand c'est toi qui travailles. OK, c'est ça. Formation qui s'annonce, qui s'affiche un peu comme étant du dead groove metal. Je me suis dit, j'aime bien le genre, ça doit être intéressant. Eh bien, malheureusement, pas du tout. Présentation graphique, la pochette est hallucinante. Moi, j'ai vraiment trippé fort sur la pochette, puis c'est ce qui m'a attiré, évidemment, tu sais. Mais l'emballage est beaucoup plus intéressant que le contenu, définitivement. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le cas de toutes les marques de céréales sucrées, finalement. Ben, moi, j'ai rien contre les céréales sucrées. Ce que je leur reproche, c'est de ne plus avoir de bébelles à l'intérieur de la boîte. Moi, ils sont rendus plus. Oui. Faut t'acheter des œufs Kinder dans ce temps-là. Dans le sucré, oui. Il y a la pièce Two Stone que j'ai trouvé assez correcte dans cet album qui s'appelle Holman. Un album qui est disponible de façon numérique, digitale et sous étiquette qui porte le titre d'indépendant. Je le connais pas, celui-là. Là. Bon, il y a beaucoup d'albums qui sont sortis. J'imagine. Mais c'est pas un label de pauvre. Oui. Dead Groove Metal, pas du tout. Ça tire vraiment sur le black mal fait. Okay. Un black actuel, mais mal fait. OK. Donc, la production est même pas bonne. Là. Fait que, tu sais, regarde, oublie ça. J'ai donné 3,5 parce que la pochette est vraiment hot. Mais c'est juste pour la pochette, hein, parce que pour le reste, zéro pin bar. Cinéma maintenant. Ben oui, j'attendais ça avec impatience. Me semble, oui. Parce que je suis en plein dedans présentement, fait que dévoile-moi pas trop de. T'es en plein dedans quoi? Jessica Jones. Ah, oh, d'accord. Bon, ben écoute, je vais la garder pour la fin. Bon. Un truc que j'ai écouté qui met en vedette Natalie Portman. Bien sûr, la princesse Amidala de Star Wars, mais qui était non, je ne dis pas. Ainsi que Jennifer Jason Leigh qu'on ramène. C'est qu'on ramène de Will d'entre les mortes. Mais ben, ça fait au moins deux ou trois films qu'on l'a assez récent qu'on la voit là. Qui est Annihilation, qui est un film de science-fiction. Ouais, j'ai vu passer ça en trailer. Qui raconte grosso modo l'histoire de autour d'un phare dans l'état de quel état aux États-Unis, je ne sais plus trop là. Il y a une espèce de, tu sais, quand t'étais petit, sinistre, j'étais un petit gobelin toi aussi là. Ça fait longtemps. Tu faisais des bulles avec du savon à vaisselle là, puis une espèce de couleur toute flyée. Oui, l'espèce d'arc-en-ciel tout distorsionné là. Oui, exactement. Ben c'est ça qui s'est formé autour de ce phare là. Un phare, je parle phare pour les bateaux, le phare. J'avais compris. Oui, et non phare, voilà. Phare, c'est le phare en haut. Les scientifiques, l'armée essaie d'étudier ça, mais personne n'en est revenu. Donc, ils ont trié sur le volet une biologiste, une microbiologiste, une ci, une ça, blablabla, pour aller faire le recensement de ce qui s'est passé. Et ils entrent à l'intérieur, ils perdent toute notion du temps, et ils perdent toute, évidemment, notion d'orientation aussi, et ils se rendent compte que c'est probablement une présence extraterrestre qui assimile les gènes de divers groupes vivants, les plantes, les animaux, les humains, et ainsi de suite, les végétaux, tout ça, pour les remanier à une façon, je dirais, supposément en harmonie les uns avec les autres. À la façon réanimation, finalement. Ben, c'est un peu plus sauvage, eux autres, que nous autres. Nous autres, ça marche pas tout le temps, ça, l'histoire. Ben, c'est un film qui est très lent, mais c'est un film qui a, semble-t-il, pas eu une excellente cote, mais c'est très bien fait. C'est une progression lent, mais c'est un bon trailer. Mais généralement, les films qui n'obtiennent pas une très bonne cote, tout le temps est meilleur. Ben, souvent, c'est parce que c'est une question de commercial. Oui, c'est ça. Donc, si ça n'a pas commercialement marché, ça tient moins la faveur des critiques, mais bon. Mais Annihilation, j'ai trouvé que c'était un film qui était tout à fait correct. Par contre, un film que j'avais énormément envie de voir et j'avais hâte, un film d'horreur qui s'appelle The Lodgers, qui est un film de Brian O'Malley qui met en vedette des illustres inconnus en ce qui me concerne, soit Charlotte Vega, David Bradley et Bill Milne. Ben, c'est un véritable fiasco. Oh. Tellement ennuyant comme film, là. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis je me demande pourquoi. J'ai perdu vraiment mon temps. The Lodgers, j'ai trouvé ce film-là vraiment nul. Et on en est rendu à cette deuxième saison de Jessica Jones. Eh bien oui, que moi je suis rendu à l'épisode de 6 ou 7 présentement. Bon, écoute, je sais pas, est-ce que tu as un souvenir de la première saison? Oui. Moi j'avais trouvé ça très bon. Ben moi aussi. Dans le fond, moi j'ai connu tout l'univers des Defenders okay. avec la première saison de Jessica Jones. Okay, c'est j'avais bon. Trouvé ça vraiment trippant. J'étais reculé dans le temps pour aller voir Daredevil, que mm-hmm. j'ai trouvé très bon. Mm-hmm. J'ai écouté par la suite Luke Cage. Non, le Luke Cage avant Daredevil. Ouais. Après ça, j'ai écouté Iron Fist, puis The Defenders. Mm-hmm. Là, on vient de tomber dans la saison 2 de Jessica Jones, puis là, on va sauter du coq à l'âne, là, ouais. j'imagine. Ben, moi, honnêtement, jusqu'à présent, j'ai trouvé que... Ben, il y a un petit côté, présentement, ce que je trouve déplorable de la première saison, c'est le côté trop police, là. Moi, ce que je lui reproche à cette deuxième saison-là, c'est que, ben, premièrement, c'est sûr, je m'attendais à ce que l'effet surprise et wow de cette super-héroïne non conventionnelle soit passé après une première saison, évidemment. Maintenant, on développe beaucoup plus le profil psychologique de Jessica Jones et on fait interagir plus les personnages secondaires comme Malcolm et compagnie. Mais par contre, on étire énormément le temps avec des dialogues qui sont très longs. C'est long. Oui. C'est moi le nouveau concierge du bloc. Là. C'est pas nécessaire. C'est hein? pas nécessaire. On amène beaucoup de petites amourettes là-dedans. Oui. Moi, je pense que Jessica Jones, c'est quelqu'un qui est tourmenté. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes entre les deux oreilles. C'est quelqu'un qui est une grande consommatrice de whisky. Qui aujourd'hui est beaucoup s'affirme comme étant détective privé dans cette deuxième saison de façon beaucoup plus significative. Elle a une méthode peu orthodoxe de faire ses enquêtes, et ainsi de suite. Et ça, c'est l'aspect que j'aime. Mais maintenant qu'on la fasse avoir des états d'âme qui n'en finissent plus avec sa mère qui revient dans le paysage. Avec les amourettes. Non, je ne dévoile rien. D'accord. Avec les amourettes qu'elle a avec le concierge du bloc appartement où elle demeure, avec son nouvel associé. Son nouvel associé, oui. Qui était quasiment son roommate, finalement. Puis que là, on n'en finisse plus pendant des épisodes d'avoir uniquement des dialogues qui se passent absolument rien. Moi, j'y reproche un peu ça. Je trouve que la saison a tendance à perdre un peu son... Ben, il me reste encore quatre épisodes dans la saison. Là, je vais me faire plus... Ben, priez pour ne pas y survivre. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais qu'on continuerait musicalement? Bon, ce serait une bonne idée. D'accord. Hey, il y a quelque chose que je veux passer, moi. Ça fait des semaines, bon, on manque toujours de temps. Ben, quitte à devoir supprimer mes derniers choix, je vais le faire. Je parle du One Man Band de Matthew Germain, qui porte le nom de Solid Silver. C'est vrai que ça fait une coupe de posters que le nom est. Ben oui, hein? Là, j'ai dit, là, ça va faire, là. Donc, Solid Silver, c'est vraiment un projet d'un seul et unique personnage qui est Matthew Germain, qui fait tout, l'instrumentation, la voix qui enregistre tout, ainsi de suite. Et qui donne dans un... Je te dirais, en fait, j'ai deux ou trois tunes maximum du projet. Et ça tourne autour du doom, death, horreur. Je vous propose d'aller écouter tout de suite The Virgin Vampire. C'est vraiment une excellente pièce. Et dites-vous qu'il a tout fait lui-même. Vous êtes à l'animation. Let's go!

J'avais eu vent de ce projet-là en début d'année, l'année passée. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, il y a des vidéos qui ont circulé de ça avec des... Écoute, je pense que tu as raison, mais j'ai eu énormément de difficultés à trouver de l'information sur le projet. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien fait. Donc, si Mathieu nous écoute pour un heureux hasard... Ou éclaire peut-être... nos lanternes, oui, s'il te plaît. Contacte-nous. Oui, oui, tu as 30 On veut repasser ton matériel ici. Oui, définitivement. Tu as juste à aller sur animationad.com dans la section contact. Tu as le contact de Sinistros, tu as le mien aussi. Donc, éclaire-nous avec tes projets musicaux parce que c'est quelque chose qu'on va revouloir diffuser à l'émission, c'est certain. L'émission tire à sa fin. Donc, ce vendredi, ici même, dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Une émission à connotation dite régulière à laquelle je participerai cette semaine. Je dis régulière. Par contre, ma programmation est dite longue longtemps. Donc, j'ai relativement peu de pièces, mais des pièces assez longues, merci. Il y aura les segments habituels qui sont les éphémérides, les groupes obscurs et les albums classiques. Il n'y aura pas de chronique de Supernatural. Il n'y aura pas de chronique surnaturelle cette semaine, mais une émission qui est remplie de véritable et vrai rock de 11h à 17h sur 89.1 Rock Classique. Ainsi que, non, ce n'est pas la semaine de notre ami de Subversion, c'était vendredi dernier. Ouais. Mais par contre, il y a le blog de Sinistro sur lemort.com. Toujours vivant, effectivement. Et n'oubliez pas, on va avoir des nouvelles... Oui. Des nouvelles patentes à réanimation à partir de la semaine prochaine. Chaque dernier mardi du mois, mm-hmm. pour accompagner l'album marquant du Docteur, mm-hmm. il y aura les albums marquants de l'histoire du métal. Effectivement. Donc, c'est la semaine prochaine, sera la première, puisque c'est effectivement la dernière émission du mois, la semaine prochaine, le 27. L'album marquant sera Morbid Angel Covenant. Sinistros vous parlera de la nouvelle sortie à venir de Frank X et From Planet X, ainsi que son l'évolution métallique selon Sinistros. L'évolution métallique, effectivement, on va y aller avec l'histoire du métal. On débute en 1970 avec trois incontournables. Mm-hmm. À chaque émission de fin de mois, on va y aller avec une année qui a été marquante. C'est sûr et certain que les années 70, on va probablement faire du skip-off un peu. Ben, si on veut pas passer 40 ans là-dessus. Ouais. Pour revenir vraiment au début des années 80, mm-hmm. On risque d'avoir pas mal de viande. Si on a trop de viande, j'extrapolerai sur d'autres émissions, il n'y a pas de problème avec ça. À tous les deuxièmes mardis du mois, mmh. on aura la suite de l'évolution métallique, mais par groupe. Ouais. Donc, mettons l'évolution du thrash metal. Comment c'est venu? Mmh. L'évolution du doom. Comment c'est venu? Mmh. Fait qu'on va y aller. Ça se peut que vous ayez des surprises. Ça se peut qu'il y en ait qui n'aiment pas tellement. Qui se reconnaissent pas. Ça se peut très bien qu'il y ait des affaires un petit peu spéciales qui vont passer. Je préfère inverser les théories. Oui, mais ça se veut une portion instructive aussi. Ouais, effectivement, hein. c'est très instructif. Tout à fait. Donc, c'est à venir à partir de la semaine prochaine. On va se quitter sur un dernier bloc, Sinistros, qui est de ta conception. Ben oui, ma composition, qu'on est allé fouiller un petit peu très loin même. Ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un des titres qui est là. Oui, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas dit en ondes aussi. Oui, aussi. Mais je vais te le faire répéter, d'après moi. Oui, effectivement. Moi. Bon, ben, ça, j'ai pratiqué ça longtemps, tu t'en souviens? Oui. On va commencer par Legion of the Dam, avec un succès souvenir. Souvenir. Juste pour vous, ça tourne et ça danse. paru sur l'album Descent into Chaos de 2011, ça va être la pièce Shrapnel Rain. Ouais. Nous aurons les Allemands de The Apocalyptician Reiter. Les Cavaliers de l'Apocalypse. Les Cavaliers de l'Apocalypse, avec la pièce Reiter Maniacs. Il s'appelle comment déjà, Sinistro? The Apocalyptician Reiter. Oh, tu l'as bien. Je l'ai pratiqué beaucoup. Oui. Il y a fort longtemps. C'est paru sur l'album Samurai, qui est selon moi un des meilleurs albums du groupe, qui est paru en 2004 sur Nuclear Blast. Puis on va terminer avec... E-Force, ben avec oui. notre Eric Forrest national, mm-hmm. avec la pièce... J'adore cette band-là, c'est vraiment... Moi, c'est bien. C'est moi, très c'est bon. Bien. Oui. Avec la pièce Grievance, qui est parue sur le dernier album, Demonical, qui est paru en 2015 sur Mausoleum. Alors, sur ce... Allez tous vous faire foutre! Let's go, see you! We'll be right back.

bon.